suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Que fait le maire ? Une série de Martine Abatte, réalisée par Assia Khalid et Julie Béressi. Au départ de cette série, il y a l'envie de comprendre en quoi consiste la fonction de maire et pourquoi il démissionne de plus en plus. Il y a aussi l'idée d'explorer tous les territoires, de voir comment ils sont administrés et puis comprendre pourquoi, quand la population n'est pas contente, ce sont les maires qui sont en première ligne. Alors pour commencer, les personnages. Un maire pompier hyper occupé, des maires de petites communes qui baissent les bras, un maire de proximité contre la métropolisation et une maire de banlieue, ancienne pédiatre, qui ne veut pas être laissée pour compte. Ensuite, le décor. La Sarthe, un village, une consultation citoyenne, un dernier mandat, l'intercommunalité, des communes rurales moins dotées, des cahiers de doléances, une sortie scolaire, des pelouses pas interdites, des écoles brûlées, de la pauvreté urbaine et un état lointain. Aujourd'hui, premier épisode, on signe des parapheurs. Que fait le maire ? Des maires, premiers de corvée. Un documentaire de Martine Abatte et Julie Béressi. Ça c'est l'éolienne, non ça Mais c'est... Mais en fait on est juste obligé de les mettre par voie d'affichage à l'extérieur de la mairie. Et ensuite, par tout autre procédé en usage dans la commune. Donc, Internet. J'ai mis Internet, panneau pocket. Peut-être qu'on en mettra une au bord de la rivière, de chaque côté du pont, vu que ça concerne la Sarthe, pour que les gens puissent voir qu'il y a l'enquête publique. Quoi. Dans deux enquêtes publiques, ça tombe mal, ça, en même temps. En même temps, oui. Ah, la CCAS. Voilà, bah, des réunions de CCAS pour une ou deux familles qui demandent de l'aide. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Une dame en retraite qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. Et puis, une jeune femme monoparentale, parce que c'est aussi la difficulté avec ses deux enfants. Et là, vous pouvez leur attribuer une SOB ? Ouais, alors on réunit les gens du CCAS. Donc, ils sont. Le CCAS, c'est 5 personnes du conseil municipal et 5 personnes du village. Et puis, nous, ensuite, on débat. Alors, par exemple, on a des locatifs, on a quand même beaucoup de bâtiments locatifs qui sont dans le village, qui appartiennent aux bailleurs sociaux du département, dont 6 qui sont vieux et donc qui sont très énergivores. Mais vu qu'ils sont très énergivores, ils ont des factures d'électricité monstrueuses et donc finalement, ils nous demandent de l'aide pour payer ces factures. Et le bailleur ne peut pas restaurer ? Alors, ça fait 4 ans qu'on se bat par des courriers pour que ce soit fait, et donc les travaux commencent en février. Ils vont être réisolés. Réisolés, voilà. Les maires viennent d'apparaître à l'occasion du soulèvement des Gilets jaunes comme l'un des fameux corps intermédiaires sur lesquels l'exécutif souhaite désormais s'appuyer pour sortir de l'impasse. Et il est vrai que si la France vit une grave crise de la représentation politique, le maire est l'élu qui conserve encore la confiance des citoyens. Il est l'élu de proximité, celui que l'on peut croiser, il est en charge de l'école de nos enfants, de la rue que nous traversons, des déchets que nous produisons, du lien social. Largement ignoré jusque-là, peu entendu, on fait désormais peser sur les maires ruraux notamment une lourde responsabilité pour dénouer la crise politique actuelle. Alors qui sont ces maires ? Et qu'est-ce qui les pousse à s'engager ainsi dans la vie de la cité, sans véritable statut, à titre quasi bénévole pour les maires ruraux ? Un engagement qui a souvent pour eux un coût humain important en termes de responsabilité, de complexité des normes à appliquer, de temps, de sacrifices liés à la vie familiale et professionnelle. Nous sommes aujourd'hui à la mairie de Fercy-sur-Sarthe, 630 habitants, département de la Sarthe, avec le maire Dominique Dumont, à la tête d'un conseil municipal de 9 personnes. Il y a une bonne ambiance dans votre... Oui, on arrive à quelque chose d'assez équilibré. Alors forcément, parfois, il y a quelques petites tensions, on va dire, dans les débats. Mais ça, au contraire, c'est assez positif. On a aussi forcément des gens qui sont plus ou moins impliqués, suivant leur capacité à libérer du temps, leur profession. Enfin voilà, donc c'est une vie de groupe. Hein. Mais malgré tout, on arrive vraiment à travailler, à produire, à réfléchir, à être attentif aussi à ce qui se passe un peu autour de nous, pour pouvoir ensuite réagir si nécessaire. Globalement, les conseils municipaux sont des beaux moments. C'est vraiment là où se passe cette démocratie dont tout le monde parle aujourd'hui et qui est bien en difficulté. On voit dans nos mairies que c'est un bel outil pour permettre aux gens de s'exprimer. C'est aussi un bel outil pour que les citoyens qui viennent parfois en tant que public assister à ces conseils municipaux, de voir un petit peu quelles sont les complications, quelles sont les questions qu'on doit se poser face à un choix qui semble souvent simple, mais qui derrière a des conséquences sur le budget, des conséquences aussi peut-être environnementales. Enfin voilà, donc les débats permettent à tous ces gens de se rendre compte qu'une décision, c'est toujours dur à prendre. C'est assez souvent un beau moment de vie démocratique dans les villages. Et quelle est la décision la plus importante que vous avez prise récemment ? C'était de dire oui ou non à l'organisation d'une consultation citoyenne. On a des carrières de sable dans le village et donc lorsqu'on a voulu leur donner de l'autorisation d'extraire du sable sur d'autres zones, on a organisé une consultation citoyenne, donc qui s'est fait comme la loi nous le permettait, pour demander aux gens du village s'ils étaient d'accord sur le principe ou pas, dans le sens où ça avait un impact clair sur la vie du village. Et puis c'était une chose qu'on n'avait pas exprimée, nous, dans notre profession de foi en début de mandat. Ouais. Ils ont dit quoi ? Eh bien, ils ont dit oui. Alors, le conseil municipal a validé la consultation citoyenne pour la carrière, hein, je parle. Mmh. Et donc, elle a eu lieu. Et donc, à 70%, les gens se sont déplacés pour dire oui. Et on a eu un taux de participation qui dépassait les 50%. Donc, bien plus qu'aux législatives, comme quoi la démocratie de proximité, lorsque le sujet est intéressant, ça vit et puis ça fonctionne. Certains y travaillent dans cette carrière ? Non. C'était surtout pour... Parce que c'est sur 10 ans l'extraction, donc ça sort de notre capacité d'élu à définir un projet, parce que c'était sur plusieurs mandats, à cheval sur plusieurs mandats, donc il nous semblait indispensable de demander l'avis aux gens sur ce sujet. Et en général, les décisions importantes sont prises à la majorité ou à l'unanimité ? Globalement, 95% des décisions sont prises à l'unanimité. Après, on a quelques sujets, souvent les sujets intercommunaux, sont plus compliqués, dans le sens où on a une partie des gens du conseil municipal qui vivent très mal cette intercommunalité, comme quasiment tous les élus ruraux de France, hein, et qui ont du mal à accepter que cette structure qui était, il y a encore hier, un outil pour faire à plusieurs ce qu'on peut faire seul, devenue finalement un gros truc qui nous mange, quoi. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être dans l'illégalité, parce qu'il y a des normes trop compliquées à appliquer pour vous ? Plein de fois. Parce qu'on le fait jamais pour nous. On se met dans l'illégalité juste parce qu'on se dit que le jeu en vaut la chandelle pour que les gens de notre village puissent avoir des choses en plus, quoi. Donc oui, ça arrive parfois de dire la vérité, mais pas toute la vérité. Ou soit d'être borderline avec les règles. Ouais, parfois. Alors voilà, rien que pour ça, je sais pas combien j'ai signé de papier. Plan mercredi. Alors ça nous aura demandé en 2008, depuis 2008, ce truc-là, une énergie. En 2008, Sarkozy enlève les cours le mercredi, obligé de réorganiser tout le temps des agents. Après Hollande, 2014, remet le mercredi. Et là, Macron revient et de nouveau l'enlève. Et à chaque fois, c'est des heures de réunion, des documents administratifs, une réorganisation, on demande des gens qui quittent leur poste, qui perdent leur travail. C'est des millions d'euros au niveau national pour former les animateurs. Hop, ils servent plus à rien, puis ils s'en vont. Enfin, voilà. Donc à chaque décision, ça a un impact, mais financier. Et puis ça démobilise. Enfin, c'est une catastrophe. Ah ben j'ai ça encore. C'est ça ? Tout ça, voilà. Vous avez passé combien d'heures, Ludivine, avec cette réorganisation d'un plan mercredi au lieu des cinq demi-journées ? C'était énorme. Vous, Dominique Dumont, vous êtes maire depuis quand ? Alors, c'est mon deuxième mandat. Je suis maire depuis 2008. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer comme ça ? Je dois avoir ça dans mes gènes, j'en sais rien. Je me suis toujours impliqué. Depuis mon adolescence, j'ai toujours participé à la vie associative. Et puis, quand je suis arrivé dans le village en 2000... Ils ont vu qu'ils avaient un gars qui avait un peu de temps libre parce que ma profession me laisse du temps. C'est quoi votre profession ? Alors, je suis pompier. Pompier, ça vous laisse du temps ? Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, on fait des gardes de 24 heures. Donc, le fait de travailler de 24 heures de rang, ensuite, on a 2 jours de repos. Donc, ils se sont dit, oh là, il a du temps. Donc, je suis rentré au conseil municipal dans l'année où on est arrivé dans le village. Puis en 2008, je me suis présenté comme maire, donc c'est mon deuxième mandat. Voilà. Vous arrivez à allier votre vie professionnelle et votre vie en tant que maire? Ça s'articule bien avec votre vie familiale, personnelle aussi? Comment ça marche, ça? Ça marche à peu près bien. Je ne sais pas comment je fais. Je m'en sors. J'arrive à. Alors j'ai un emploi du temps très très chargé. C'est peut-être mon jardin et les bricolages à la maison qui s'en ressentent parce qu'ils traînent un peu plus qu'avant, mais autrement, j'arrive à concilier ma vie familiale d'abord, ensuite ma vie professionnelle, dans l'ordre des priorités, et puis ensuite la mairie. Et mais alors, moi je suis venue vous voir parce que vous m'avez dit que c'était votre dernier mandat. Oui. Oui, parce que c'est mon dernier mandat parce que l'intercommunalité me fait penser que on a passé un cap. Avant, on vivait quelque chose d'assez intéressant dans cette intercommunalité. C'est un sujet qui nous permettait de travailler ensemble, de réfléchir ensemble sur des projets qu'on n'était pas capable de réaliser seul, et qui nous permettait aussi, en tant qu'élus, d'échanger sur nos difficultés, de demander des tuyaux à son voisin, parce qu'il avait certainement eu le même problème que nous, il pouvait nous accompagner, etc. De ne pas être seul, même si on n'est pas seul, avec ses adjoints, son conseil municipal, le personnel du village, le personnel de la commune qui est extraordinaire, on n'est pas seul, c'est pas vrai. Mais malgré tout, parfois, on peut se retrouver confronté à des situations de souffrance humaine dans des familles où on a beaucoup de gens défavorisés dans nos villages. Donc on se retrouve parfois à une limite. Et donc d'avoir la possibilité de s'appuyer sur un collègue maire pour avoir une solution, c'était, à mon sens, indispensable. Et cette intercommunalité que je vous donne là, c'est plus ça aujourd'hui, quoi. C'est un gros truc, c'est un président d'intercommunalité qui s'occupe pas du tout des conséquences de ses choix politiques sur nos villages, qui ne cherche pas à obtenir un consensus pour partir sur des projets dans tout le département, c'est le même constat. Et donc c'est ce qui fait que notre rôle de maire, il perd de son sens. Cette intercommunalité est devenue le frein. C'est cet empêcheur de projets. Et ce qui me rend moi un peu amer et qui me dit que il est temps d'arrêter, dans le sens où ce positionnement que j'ai aujourd'hui de mal vivre l'intercommunalité risque demain d'avoir des conséquences pour mon village. Dans le sens où on arrive aujourd'hui à des situations où le président d'intercommunalité, lorsqu'on est contre son positionnement, va... Il vous punit ? Limiter la capacité d'action de la commune. Mmh. Et donc le fait de se positionner contre des sujets, finalement, pénalise les gens de notre village. Et vous avez un exemple ? Tout simplement, une priorité qui ne va pas être donnée sur un village, mais qui va être donnée plutôt sur un autre, sur des sujets très vastes qui peuvent aller de la voirie dans une commune à l'assainissement dans une autre, à la fibre dans l'autre. Voilà, on va traîner, on ne va pas prioriser cette commune-là en premier. Et ça, c'est des moyens de pression très clairs qu'ont les présidents d'intercommunalité pour faire accepter des couleuvres à leur maire. Donc vous, par exemple, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles... Oui. Ah oui, c'est quasiment l'unique d'ailleurs. C'est pas le budget par exemple. Non, parce que après, alors on entend tout sur le budget, mais globalement, quand on regarde sur les 5 ans du mandat, les dotations qu'on avait en 2014 et celles d'aujourd'hui de l'État, elles sont pour nous en hausse et pour beaucoup en équilibre. Donc non, c'est clairement pas le budget. Évidemment, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est compliqué parfois, mais non, c'est combien le budget de votre commune? Alors il est 360 000 euros de fonctionnement pour 600 habitants. Alors je repense toujours aux 440 000 euros de Madame Macron à l'Élysée pour elle toute seule. Ça, je peux pas m'empêcher d'y penser. Secrétariat. Ouais. Ouais. Elle a 440 000 euros de fonctionnement. Donc nous, pour nos 600 habitants, c'est 360 000. Et vous êtes vos indemnités à vous? 1035 euros. Voilà. Et qui va vous succéder? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. J'espère que quelqu'un va se dire qu'il va avoir l'envie et la folie de le faire. Bon, voilà. Donc on verra bien. On va croiser les doigts pour que ça se mobilise. Après, c'est ma hantise. Qu'est-ce que je vais faire si personne ne se présente? C'est des grosses questions. Mais j'ai pas de réponse. Ouais. Selon une étude du CEVIPOF, un maire sur deux ne compte pas se représenter aux élections municipales de 2020. Ce chiffre monte à 60% dans les communes de moins de 1000 habitants. On note aussi une augmentation de 55% du nombre de démissions de maires sur les 4 premières années de cette mandature par rapport à la précédente. Alors pourquoi ce malaise chez les maires de petites communes? Et cela alors que 40% des Français vivent dans une commune de moins de 3000 habitants. Vanik Berberian est le maire de Gargilès-Dampierre, 300 habitants, dans l'Indre et président de l'Association des maires ruraux de France. L'association a lancé une consultation auprès de ses maires pour cerner les principales raisons de leur renoncement. Comme pour Dominique Dumont, c'est le sentiment de dépossession de leur capacité d'agir qu'ils invoquent, de n'avoir plus de prise sur rien à cause du millefeuille territorial qui éloigne la décision. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on fait partie d'une intercommunalité? Il y a des questions qui échappent au maire complètement. Alors, on ne peut pas présenter la chose de cette manière-là, d'abord parce qu'il y a autant d'intercommunalités qu'il y a d'individus. Voilà, une structure, c'est une structure, ce sont les gens qui l'animent, qui la font vivre. Vous pouvez avoir des intercommunalités très performantes et dans lesquelles il est agréable de travailler, et puis d'autres qui sont épouvantables. Mais c'est pareil pour une commune. On peut avoir un climat excellent au sein de son conseil municipal, comme on peut avoir un climat délétère. Et donc, la manière dont on conduit l'outil, c'est ça qui est déterminant. Alors après, c'est vrai que quand vous avez mécaniquement un élargissement du périmètre et que vous avez de plus en plus de monde autour de la table, eh bien, vous avez un affaiblissement de la notion de proximité. Et donc, c'est celui qui a le plus de facilité de parole ou qui politiquement est plus implanté, etc., qui donne le là. Et de fait, de manière tout à fait mécanique, vous avez des gens qui progressivement se sentent exclus, y compris d'ailleurs sur un plan géographique. Vous savez que dans la dernière réforme, la loi NOTRe, qui a été une catastrophe des catastrophes pour les territoires ruraux, nous vraiment, on n'oubliera jamais ce traumatisme. La loi NOTRe, c'est la loi... Nouvelle organisation territoriale de la République. Voilà. Sous la présence de François Hollande. Qui a été absolument votée par une majorité socialiste. Donc ça, on ne l'oubliera jamais. Il faut bien qu'ils comprennent. Ça a été une catastrophe. Mais le sujet ne date pas de François Hollande. Il est bien en amont. Parce que l'esprit du texte, il a été imaginé et a commencé à être sur les rails à une époque où le gouvernement était présidé par Nicolas Sarkozy. Il a été peaufiné, voté sous Hollande et il est mis en application sans nuance par Macron. Parce que dans le débat, donc au moment de la loi NOTRe, la question qui s'est posée, c'est: quel est le seuil minimum du nombre d'habitants dans une intercommunalité? Auparavant, c'était 5000 habitants. Et vous aviez le Sénat qui voulait 10 000 et l'Assemblée qui voulait 20 000. Et donc, il y a eu des parlementations entre les deux chambres. Et finalement, c'est le 15 000 qui a été retenu entre les deux. Donc aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de communauté de communes en dessous d'un seuil de 15 000 habitants. Et là, on peut faire ce parallèle, parce que pour moi, je trouve que c'en est l'illustration, sur l'hyperconcentration que l'on connaît en matière d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, on considère que la métropolisation, c'est la seule finalité intelligente en matière de développement et de mode de vie. Et donc, c'est ce qu'on a fait, mais dans tous les domaines. On l'a fait au niveau de la SNCF, par exemple. Ça fait un moment qu'on développe les lignes TGV, qui sont une prouesse technologique indéniable. Mais dans le même temps, on a négligé l'entretien des voies secondaires, des lignes secondaires. D'ailleurs, on les appelle secondaires, ce qui est déjà une expression intéressante. On a facilité la mobilité de métropole à métropole. Et on a oublié que la France n'était pas que les métropoles. C'est-à-dire les villages voient passer les trains qui ne s'arrêtent pas. Les villages, pas. Les petites villes, tout le monde. Voilà, on raisonne en termes de métropole. Il y a eu cette course en avant de la métropolisation. Et cette concentration donc qui est devenue systémique, parce que là je donne l'exemple de la SNCF, mais vous pouvez le prendre dans n'importe quel autre sujet, que ce soit la santé par exemple ou d'autres, la concentration des activités, des pouvoirs, des services, des humains, tout, c'est ce cheminement-là. Eh bien, il était logique que dans cette propension à toujours vouloir concentrer, eh bien, on raisonne de la même manière au niveau des collectivités. Et c'est comme ça que vous arrivez donc à des périmètres qui sont insupportables. L'autre jour, je rencontrais un maire de l'Aveyron qui me disait: tu sais, Vanik, je vais plus aux réunions de l'intercommunalité. Je lui dis: ah bon, pourquoi? Elle me dit: parce que j'ai 1h30 de route à faire à l'aller, 1h30 de route au retour quand il n'y a pas de neige. Donc tu comprends que moi, je peux plus y aller. C'est-à-dire tellement son périmètre d'intercommunalité est grand. Et oui. Et donc voilà, c'est comme ça que vous excluez des pans entiers du territoire. C'est-à-dire qu'on pensait que l'intercommunalité allait faire économiser de l'argent. Allait fonctionner de manière plus... Une meilleure efficience. Une meilleure efficacité. Mais surtout, ce que dit la Cour des comptes, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit en réalité. Alors, c'est l'inverse qui s'est produit parce que, effectivement, on pouvait faire quelques économies sur quelques postes. Mais sur le fond, vous ne changez rien. C'est-à-dire que les kilomètres de voirie à entretenir, les bâtiments publics à entretenir, vous les avez toujours à entretenir. Donc ça ne va pas coûter moins cher, souvent ça coûte plus cher, et ce n'est pas plus performant parce qu'encore une fois, vous avez une inertie qui est liée au nombre. Plus vous êtes nombreux dans un espace de réflexion et de décision, et bien plus c'est compliqué. Depuis 10 ans, à Fercé, comme dans toutes les communes rurales du département et comme dans tous les départements ruraux de France, depuis 10 ans à Fercé, à chaque élection, hors municipale et présidentielle, on a de moins en moins de gens qui viennent voter, de plus en plus de bulletins blancs et de plus en plus de votes extrêmes. Depuis 10 ans. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, les habitants de nos communes, à travers leurs bulletins de vote, protestent, expriment leur colère. Depuis 10 ans, pendant 15 jours, autour des plateaux télé, on fait venir les mêmes pour exprimer les mêmes craintes. Et depuis 10 ans, au bout de 15 jours, tout ça s'éteint. Et on repart comme si rien n'avait existé et comme si rien ne devait être changé. Aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec ce phénomène-là. On est dans une démocratie. Le bulletin de vote depuis 10 ans n'a servi à rien. Donc les gens s'expriment dans la rue. Et quoi? Ils expriment quoi dans la rue depuis 10 ans, ces gens-là? Ils expriment qu'ils voient bien que la ville se développe 10 fois plus vite que nos villages. Il suffit d'aller au Mans pour voir qu'il y a des constructions en permanence, des aménagements, de plus en plus dans le transport en commun. Au Mans, un citoyen du Mans, quand il sort de chez lui, il a 5 moyens de transport en commun pour se déplacer. Donc on y participe avec nos impôts. Les gens de Fercé, ils sortent de chez eux, ils ont un seul moyen de locomotion, c'est leur bagnole. Donc ça, on peut pas imaginer que les gens ne le voient pas, c'est pas possible. La dématérialisation des actes. Par exemple. Alors ça, c'est le gouvernement en place, alors que pour la mobilité, tout ça, ça fait bien longtemps que le problème existe. De dématérialiser les actes. C'est-à-dire toutes les démarches administratives. Carte grise, carte d'identité, les impôts pour tout le monde l'année prochaine, les rendez-vous médicaux chez les spécialistes, qui se prennent maintenant obligatoirement par Internet. C'est 13 millions de Français. Donc un citoyen sur 5 est en difficulté avec le numérique et ne peut pas faire les démarches seul. L'État est parti là-dedans en se disant « on va économiser de l'argent ». Pourquoi pas? Mais c'est pas possible qu'un État, pour économiser quelques centaines de millions d'euros, mette 13 millions de Français sur le bord de la route. On peut pas faire ça. C'est une folie de ne pas avoir compris ça et c'est incompréhensible. Mais ça veut dire que ces gens-là, ces personnes qui n'ont pas l'outil informatique à portée de main pour faire leur déclaration d'impôt, je sais pas quoi, ils viennent vous voir à vous? Oui, on a des gens du village qui n'ont jamais eu de toute leur vie besoin d'aide, qui se sont toujours débrouillés seuls, qui étaient autonomes, qui se sont retrouvés avec cette dématérialisation dans l'obligation de venir en mairie demander de l'aide. Et ça, mais c'est une catastrophe dans l'esprit de nos concitoyens. Ça génère quoi? Un sentiment de mal-être, de honte, de sentiment d'être dépossédé de sa capacité d'être citoyen, quoi, tout simplement. L'État verse chaque année une dotation globale de fonctionnement à toutes les communes, ce qu'on appelle la DGF, c'est ça? À toutes les collectivités. La DGF, c'est l'État effectivement qui le verse, mais à partir des impôts qu'il collecte. Hein, ce n'est pas de l'argent de l'État, c'est l'impôt des citoyens. Et cette redistribution qui est prévue pour permettre aux collectivités d'assumer leurs fonctions, y compris des fonctions qu'elles font au titre de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une mairie, elle est aussi donc représentante et agent de l'État, donc c'est normal que l'État participe. Par exemple, elle tient l'État civil. L'État civil, l'école, toutes ces questions-là. Hein, bon. Donc c'est légitime. Et donc le mode de répartition de cette dotation globale de fonctionnement, la DGF, elle est calculée au prorata du nombre d'habitants. C'est-à-dire que plus vous avez d'habitants dans une commune, plus la dotation est élevée. Ce qui paraît logique. Là où il y a quand même un gros problème, c'est qu'aux yeux de l'État, un habitant des campagnes vaut la moitié d'un habitant des villes. En clair, quand l'État donne 2 euros pour un habitant des villes, il en donne 1 pour un habitant des campagnes. Voilà. Et ça, c'est proprement inacceptable. Je ne vois pas pourquoi, sur le territoire français, les citoyens ne sont pas considérés de la même manière lorsqu'ils habitent à la ville ou lorsqu'ils habitent à la campagne, du point de vue de l'État. Quel est l'argument pour attribuer deux fois moins aux communes rurales ? Alors, il y a un argument qui est en général celui qu'on entend quand on fait cette remarque-là, c'est oui, mais vous avez moins de besoins. On a moins de besoins, mais de quoi on parle ? Aujourd'hui, vous avez donc, et en ce sens-là, la société a beaucoup changé, vous avez des besoins de la population qui convergent, que vous habitiez à la ville ou à la campagne. Se déplacer, se cultiver, se soigner, s'éduquer, tout ça, ce sont des besoins humains, ce ne sont pas des besoins de la ville ou de la campagne. Et si c'est vrai qu'il y a 50 ans, 60 ans, un peu plus, les modes de vie étaient très différents entre la ville et la campagne, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, ces règles de redistribution de l'impôt doivent être revues et non pas calquées sur des principes qui datent. Encore une fois, il faut se souvenir que dans les années 60, on était donc sur la fin de ce qu'on a appelé la désertification rurale. Il y a eu les villes nouvelles, les grands ensembles. C'est intéressant d'ailleurs de regarder de manière un petit peu historique les choses. Hein. Au 19e siècle, la France était peuplée de manière à peu près équilibrée. La France avait une population qui était à dominante rurale. Puis il y a eu la Première Guerre mondiale, et on sait combien les campagnes ont été décimées avec cette Première Guerre mondiale. Vous avez la grippe espagnole qui est arrivée aussi. En troisième temps, vous avez eu donc la modernisation de l'agriculture, une transformation qui fait qu'on avait besoin de moins de main-d'œuvre dans les campagnes, et donc tout naturellement, une population qui a diminué. Et beaucoup donc sont allés vers le travail, c'est-à-dire dans la périphérie des grandes villes. Et c'est comme ça que le territoire progressivement s'est déséquilibré. Et on a même inventé un mot, c'est celui de la fracture territoriale. Et donc cette fracture territoriale, on la connaît donc depuis 50 ans, avec encore une fois, donc de notre point de vue, hein, une erreur de vision stratégique qui est donc de toujours concentrer vers les pôles urbains, qui est un mouvement planétaire d'ailleurs, il n'y a pas que la France qui est concernée par ça. Mais le résultat aujourd'hui, il est là. Et la motivation, le ressort, c'était quoi ? C'était accéder à ce qu'on appelait la modernité. Et c'est pas faux, parce que quand on se souvient donc de la mise en place, de la construction de ces grands ensembles, aujourd'hui plus personne n'en veut, hein, on fait tomber les barres même. Mais à l'époque, on accédait à une forme de modernité. On avait, imaginez, on avait des salles de bain dans les appartements, ce qu'on n'avait pas ni dans les vieux immeubles de Paris, ni en campagne. Les toilettes étaient plus pour tout le monde au fond du couloir. Donc il y a véritablement eu un progrès de vie quotidienne. Et c'est effectivement la ville qui a incarné cette modernité. Et donc, on est allé vers ce mouvement en aggravant donc ce déséquilibre territorial, ce déséquilibre, voilà, cette fracture territoriale. Et à ça s'ajoute aujourd'hui la fracture sociale, qui n'est pas nouvelle, mais qui n'a fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, si vous me permettez, on va rajouter une troisième fracture, qui est celle de la perte de crédibilité du discours politique. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. Quand vous avez une sédimentation avec fracture territoriale, fracture sociale et fracture du discours politique, eh bien vous avez un gros bordel. Oui, c'est une première demande ou un renouvellement ? 3 semaines environ. Après, c'est plus le délai pour obtenir un rendez-vous à la mairie de la Suze. Donc du coup, photo, carte d'identité, timbre fiscal, justificatif de domicile. Et tu peux faire également une pré-demande, je sais pas si tu l'avais faite pour ta carte d'identité. Une pré-demande sur la nts.gouv.fr. C'est surtout pour obtenir un rendez-vous, ça prendra le plus de temps. Alors vous voulez voir ceux du village ? Bon, comme ça. Oui, pour commencer. Ouais. Les devises du village, les devises, vous les avez obtenues. Voilà ceux de la commune. Alors le cahier de doléances. Donc la commune, premier échelon de la démocratie. Exactement. Ça exprimez-vous, doléances et propositions. Voilà, et puis après, commune de Fercé-sur-Sarthe, on a ouvert le cahier le 8 décembre à 9h. Et c'est clôturé le 14 décembre 2018 à 17h. Donc les gens sont venus tranquillement. Mais sur sûrement, du papier blanc. Alors moi j'avais fait ça bien, hein, je voulais que ça soit. Dans mon esprit, on vit un moment important de notre histoire. Et donc je voulais que ça reste dans les archives de la mairie. Et alors qu'est-ce qui est exprimé dans votre commune par exemple ? Eh bien, comme dans toutes les autres communes, on retrouve en priorité une demande d'équité, beaucoup moins de parlementaires, moins payés, avec moins d'avantages, plus de piscine à Brégançon, plus de vaisselle à l'Élysée. Voilà, c'est ça qu'on retrouve d'abord. Chacun doit pouvoir vivre de son travail et non survivre. Oui, c'est ça. Et c'est diminuer le nombre de sénateurs et députés. Leur sieste nous coûte cher, vous voyez, un petit peu, c'est compliqué. Hein, c'est, ouais. Alors évidemment, il y a aussi la démagogie dans tout ça, mais baisser les salaires de tous les politiques et supprimer les postes inutiles. Et surtout que tous ces politiques se rendent compte de ce qu'est notre vie, la vraie vie, qui après avoir payé vos taxes et factures, vos taxes, ne nous laisse qu'un découvert au 15 du mois et nous oblige à manger des patates. C'est-à-dire que c'est plus le personnel politique qui est visé que, par exemple, les grandes fortunes industrielles ou ceux qui concentrent la richesse économique. Oui. Ouais. D'abord, le personnel politique. Après, Carlos Ghosn, elle a eu pour son grade aussi, quand même. Oui, ils l'ont pas oublié. Ouais. Et on a eu des trucs... on a vécu des moments super émouvants. Hein. Des gens qu'on voit jamais en mairie, qui sont venus, qui avaient griffonné leur bout de papier le matin. On sentait des gens qui avaient des difficultés pour écrire et qui venaient... dire ce qu'ils avaient sur le cœur, quoi. C'était un truc vraiment, vraiment, vraiment fort. Gros souci de répartition des richesses. Oui. C'est quasiment exprimé dans toutes les expressions. Privilège, démocratie. Lui, il a fait un plan en deux parties. C'est ça. Il y en a un qui se réfère à la Révolution, à la mort du roi. Et il y a des propositions. Oui, sur la mobilité. Bizarrement, je suis assez surpris sur l'intercommunalité. On voit que beaucoup lui reprochent d'exister. Alors, c'est encore qu'un petit bout. Mais voilà, j'ai encore tout ça analysé. Alors, j'en ai fait, je vous dis, j'ai ça dans ma voiture. 20 cm de haut, ça fait. Ouais, et là, j'en ai encore... j'ai encore tout ça. Voilà. Vous savez, enfin, je veux dire, nous, on n'est pas surpris de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, on l'annonce depuis une quinzaine d'années. On alerte sur ce danger que représente ce déséquilibre. Parce que vous le vivez au quotidien. Mais dans on le vit au quotidien et nous le sentons. Mais même si on ne vit pas dedans, il y a quand même des alertes. Je ne comprends pas que les gouvernements n'aient pas saisi ce constat. Élection après élection, vous avez le Front National qui grimpe dans les campagnes. C'est quand même le signe. Parce que les motivations du vote frontiste, celui qu'on connaît habituellement sur les questions d'immigration, etc., ce ne sont pas des choses que l'on connaît en milieu rural. Donc ça veut dire que le mécontentement porte sur autre chose. J'ai des collègues maires qui, le soir d'un dépouillement, se retrouvent avec plus de 50-60% de voix Front National. Ils sont effondrés. Parce qu'ils se connaissent tous. Et on ne comprend pas pourquoi, qui, etc. Et donc, ce signal qui n'est pas nouveau n'a jamais été pris en considération par le politique. Il a fait comme s'il ne voyait pas. Et nous, on disait, intéressez-vous aux territoires ruraux. Parce que, à force de tirer sur l'élastique, comme dit la formule, un jour, il vous pète à la gueule. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a négligé, volontairement ou involontairement, les espaces ruraux. Et il faut faire le lien aussi avec... certains quartiers urbains, parce que le clivage, il n'est pas uniquement urbain-rural, il est aussi riche-pauvre. Qu'y a-t-il de commun entre les communes rurales et de banlieue ? Elles vivent les mêmes fractures sociales et territoriales, et ce sont leurs maires en première ligne face à la pauvreté, le chômage, l'éloignement des services publics, qui bricolent pour que tout cela tienne tant bien que mal, pour améliorer la vie des habitants, pour faire société. Bienvenue à la salle des fêtes, complexe culturel de Chanteloup-les-Vignes. Catherine Arnoux est maire d'Hiver Droite de Chanteloup-les-Vignes. Elle a succédé en 2009 en cours de mandat à Pierre Cadeau, le précédent maire. Elle a été désignée au sein de l'équipe municipale de Chanteloup, dans laquelle elle siégeait. On va éviter. Vous allez bien ? Gardez vos miasmes. C'est ça ! Les enfants, les ont donné, je les garde. Bonjour les enfants. Bonjour. Tout va bien? Quelle classe? CE2, quelle école vous? Pasteur. D'accord. Bien, salut toi. Tout va bien ma louloute? Oui. Papa, maman aussi? Oui. Et ta sœur? Elle va bien. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Alors je vais aller dire bonjour à tes enseignants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous pouvez nous raconter? C'est un film qui s'appelle... Prince et princesse. Voilà. De Michel aussi. Vous pouvez vous leur projeter. Ouais. Et après vous travaillez à partir de cette base, quelque chose. Après, voilà, on va faire un petit retour en classe. Mm-hmm. Peut-être un petit travail en production d'écrit. Voilà. À chaque fois que je peux, je viens. Parce que je trouve que c'est super important de faire partie de la vie des enfants. D'abord, ça les développe comme citoyens, mais aussi, moi, ça m'inclut. J'ai des retours. Bon, là, c'est mais des retours enfants. Mais ils savent que vous êtes la mère du village. Demandez-le. On va voir, hein. Loulou, je vais vous poser une question. On va voir qui répond la première. Qui je suis, moi? Sophie. Je suis pas tombée sur le bon groupe. Qui je suis, moi? Je sais pas. Bon, alors, on va essayer Pasteur. Vous savez pas qui je suis? Non. 1, 2, 3, qui je suis, moi? La mère de Chanteloup. Voilà. Ouh. Comment elle s'appelle? Catherine. Voilà, c'est bien. Nous sommes à Chanteloup-les-Vignes, 10 000 habitants dans les Yvelines. L'histoire de Chanteloup, c'est celle d'un petit village agricole de la région parisienne qui domine les courbes de la Seine. Un village dans lequel l'État a construit sans permis, au début des années 70, une cité de plus de 2000 logements destinée aux familles des travailleurs à la chaîne, des usines Peugeot et Renault, de Poissy notamment. Des logements qui ont vu passer au fil du temps les différentes vagues de main-d'œuvre immigrée, bientôt réduite au chômage par les fermetures d'usines. Moi, j'ai toujours habité la région, je suis né à Poissy, j'ai exercé comme médecin carrière sous Poissy et après je suis venu vivre à Chanteloup. Donc j'ai un périple quand même de 10 km dans ma vie. Et je peux vous dire que quand, même si vous aimez ce territoire, c'est lourd de décisions personnelles. Ici, on peut pas dire que ce soit le plaisir de la médaille. C'est pas être maire de Chanteloup, c'est du 24 sur 24, mais vraiment. C'est-à-dire que votre téléphone, il est obligatoirement à côté de votre lit, parce que si ça se met à brûler d'une façon importante à 2h du matin, vous êtes debout, hein, vous êtes dans la cité. Et puis ici, on ne sait jamais de quoi demain. Enfin, et ça s'est un peu calmé, même s'il reste des tensions et des difficultés. Mais il y a 10 ans, c'était très compliqué. En plus, c'est d'une femme. Première fois qu'il y a des gens qui sont sortis du bistrot en me disant « Une meuf, tu penses tout de même pas qu'on va être dirigé par une meuf ?» Ouais. C'était un peu l'ambiance générale. Donc vous avez dû faire... Donc j'ai été élu, je crois, 8 février, et dans la nuit du 8 au 9, j'étais dans la cité, essayer de calmer le jeu entre policiers et jeunes. À ce moment-là, on pouvait encore y aller, la violence existait, mes témoins. Et ils ont passé 8 jours à me monter la pression pour me tester. Voilà, c'est le jeu, faut le savoir. Quand on est maire, on est au contact beaucoup des gens. On les écoute, ils viennent vous voir, ils viennent se plaindre, ils viennent vous raconter leurs difficultés. Oui. Donc il faut beaucoup d'empathie. L'empathie, je l'ai toujours eu. Mon métier précédent, que j'ai exercé d'ailleurs encore longtemps, jusqu'à ces 2 dernières années, l'empathie, je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce que vous faisiez? L'empathie n'a pas besoin... J'étais médecin généraliste et j'ai fait surtout de la pédiatrie et j'ai fait, au début de ma carrière, beaucoup d'accouchements, beaucoup d'obstétriques. Et pour être maire, il faut aimer les gens? Ah, pour être maire, il faut aimer les gens, oui. Mais il faut les aimer viscéralement. Il ne faut pas aimer le pouvoir qu'ils vous ont donné. Pour être maire, il faut juste aimer les gens. Autant que pour être médecin. Et c'est un prolongement pour vous? Oui. La petite fille qu'on a vue tout à l'heure, je l'ai mise au monde. Celle que vous avez embrassée? Celle que j'ai embrassée. Catherine! Voilà, je l'ai mise au monde, celle-là. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, beaucoup de patients, beaucoup de parents qui venaient me voir pour échanger sur qu'est-ce que je fais quand mon gamin, il veut pas ceci, il veut pas cela, mais comment je peux l'éduquer? Mais voilà, on était beaucoup sur l'éducation. Souvent, il y avait des fois où je faisais pas du tout de médecine, Et il y avait, comme ça, une espèce de relation. Alors, le fait d'avoir accouché aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'accouchements, d'accoucher des femmes, j'ai gardé cette même approche. Et donc, il y a des petits signes qui me montrent ça. Et entre autres, quand je fais des permanences, je vais les chercher et je les aborde de la même façon. J'ai les mêmes mots, comme si c'était des patients. Et qu'est-ce que vous leur dites? Généralement, je leur dis bonjour, comment allez-vous? Qu'avez-vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux pour vous? Et ça met les gens dans une situation apaisée. Et pour vous, c'est vraiment un moyen de connaître vos habitants, de voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est un vrai apprentissage. Mais pour eux, vous savez que quand il y a certaines vies, il y a très peu de moments dans la vie des habitants, enfin, où les gens peuvent dire spontanément, sans a priori, sans sentir jugé, ce qui est un épisode de leur vie ou de leur difficulté. Et très souvent, dans les permanences, ils disent vraiment des choses, ils racontent des choses. Et je veux dire, le nombre qui sortent en pleurant, ce qui n'est pas franchement normal pour une permanence, vous allez dire, mais c'est parce qu'à un moment donné, la pression était trop forte. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tellement l'occasion de dire pour que ce soit tellement chargé affectivement. Il faut qu'ils aient un espace. Et c'est aussi à ça qu'on peut servir. Et je pense qu'on a un rôle, et si et après ils pensent de moi ce qu'ils veulent, hein, c'est pas et après ils votent ce qu'ils veulent aussi, hein. Je suis arrivée comme mère, il y avait un danichon marché sur les pelouses. Moi j'ai dit vous m'emmerdez, les pelouses, une pelouse ça vit bien quand on marche dessus, faut pas marcher toujours au même endroit, c'est tout, ça vit bien. Donc j'ai donné au gardien l'autorisation de marcher dessus. Ah, il a été complètement déboussolé, ça faisait quand même 20 ans qu'on lui disait d'interdire de marcher dessus. Et j'ai fait la première fête de la ville, je sais pas quoi, dans le parc. Et les mamans de la cité qui habitaient là-bas, en face, les deux tours en face, m'ont dit « Mais on a le droit de rentrer dans ce parc ?» Je me attendais, ça fait 20 ans qu'il est ouvert, ce parc. « Ah oui, mais on croyait que c'était pour le village, on n'est pas rentré. » Il y a juste ici, on a l'impression qu'il y a juste un parking. Le parc est derrière, il a été construit de telle façon qu'il tourne le dos à la cité. Ça a été quoi les derniers coups durs auxquels vous avez dû faire face comme maire? Cette année, ça a été absolument merveilleux. J'ai eu 2 écoles brûlées sur 6. Un gros pourcentage. Mais brûlées comment? Brûlées. Le premier, alors, d'une façon différente. Le premier, très intentionnellement, de la part, je suppose, de jeunes, d'après les descriptions et d'après ce qu'on a vu, en pleine nuit, sous le fallacieux prétexte, je dis bien fallacieux parce que je suis sûr que, parce qu'en fait personne ne l'avait remarqué, que de l'endroit de l'école maternelle, on pouvait surveiller le trafic et donc que la police se planquait là. Et donc ils m'ont brûlé une école maternelle. Le trafic de drogue. Et donc ils m'ont brûlé une école maternelle, un 1er avril. C'est très sympathique quand vous ouvrez les yeux et que vous voyez une école maternelle, mais dévastée. Et le deuxième, ça a été un accident, c'est-à-dire accidentel, mais ça a été juste un mois après, le 1er mai. Pour une ville, une collectivité qui a un budget extrêmement... Alors, ça paraît beaucoup comme budget, mais on est une ville structurellement pauvre, et pauvre depuis des années, depuis 25 ans. Pas pauvre parce qu'elle dépense, pauvre parce que les moyens ne sont pas du tout à la hauteur. Votre budget à Chanteloup? Mon budget, ça doit être en fonctionnement entre 15 et 16 millions pour l'année prochaine. Quand je suis arrivé comme maire, il n'y avait que 28% qui étaient soumis à un impôt quel qu'il soit. Taxe d'habitation, taxe foncière ou impôt. 28% des habitants. Oui. 72% alors, ne payaient pas d'impôt. J'avais de regarder la moyenne d'une ville de 10 000 habitants. Enfin voilà, les moyennes à ce moment-là étaient de 65 à 70% des gens qui payaient. C'est-à-dire que c'était les moyennes inversées. Hein. Cette ville a eu 82% de logements sociaux. Et il se trouve qu'à part un ou deux immeubles, c'est les logements sociaux, ce qu'on appelle PLAI ou équivalent, c'est-à-dire les logements sociaux des populations les plus précaires. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça? Ah non, non, non, non, non, on est passé de 82 à... On a eu des étapes, 82 à 75. Et là, j'ai eu les derniers chiffres, nous sommes passés en dessous de la barre des 50. Je pense qu'on doit être à 46 ou 48% de logements sociaux. Et combien qui sont contribuables? Alors maintenant, à peu près 50%. D'accord. Donc la commune s'est enrichie, oui, au sens absolument. Où ses habitants se sont en... Ah non, alors voilà, c'est mieux. Toute la différence. La commune s'est enrichie, oui. C'est-à-dire que la commune est moins pauvre, mais ses habitants ne se sont pas enrichis. Simplement, c'est pas les mêmes. Quand vous êtes à 82% de logements sociaux et que vous arrivez à 50, c'est-à-dire que vous avez créé, en fait, surtout dans le parcours résidentiel, vous avez construit, donc vous avez accueilli des populations en accession à la propriété, donc elles arrivent avec un revenu qui est pas le même. Mais si vous regardez de quoi est faite la population du logement social, qui ne recoupe plus maintenant que 46% hein, des habitants, eh bien, eux sont plus pauvres. 35% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont très pauvres. J'avais un de mes collègues maires qui m'appelait Cosette pendant un temps. Donc c'était un signe, hein, t'es toujours en train de pleurer, il te manque toujours quelque chose, t'as jamais rien, t'as jamais de fric, voilà. Et c'était vrai, vous étiez toujours en train de pleurer? Non, je pleure pas par nature, j'aboie beaucoup plus facilement que je pleure. Mais vous plaignez? Ah oui, oui. Vous réclamez ? Ah oui, je réclame. Je me plains pas, je réclame. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que j'ai le sentiment d'injustice chevillé au corps et je pense que cette ville vit ça du fait de l'injustice organisée par les autres et entre autres par l'État. La ville de Chanteloup bénéficie de financements prioritaires dans le cadre de la politique de la ville et cela lui permet d'engager de gros travaux de renouvellement urbain et d'habitat. Mais ces financements ont été rabotés de 11% à l'échelle nationale par le gouvernement Philippe en 2017, et cela alors que des budgets avaient déjà été promis. L'abandon du plan Borloo pour les banlieues au printemps 2018, un plan que Catherine Arnaud jugeait ambitieux, l'a mise très en colère et elle s'est posé la question, comme plusieurs maires de banlieue, de sa démission. Catherine Arnoux met aussi l'accent sur l'éducation des enfants. En grande partie issue de milieux extrêmement défavorisés, pour elle, c'est une fracture scolaire qu'ils vivent. Et là encore, pour mener ses actions, elle va négocier chaque année avec le préfet un budget d'environ 200 000 euros pour son plan de réussite éducative. Toutes nos villes, donc Chanteloup comme les autres, on a quand même... Les autres villes qui ont des profils équivalents, c'est-à-dire qui portent... Je n'arrête pas de dire que nos villes portent la solidarité nationale. Quand nous portons des taux de logements sociaux extrêmement importants, quand nous portons les populations les plus précaires, voilà, qu'on le fasse volontairement ou pas volontairement, au départ, on le fait, et généralement, on le fait bien, et on sait accompagner, on met en place des mesures. Mais quand nous faisons ça en lieu et place de l'État, en lieu et place des collectivités qui ne le font pas. Et cette solidarité nationale, elle a un coût, et elle a un prix, et ce prix-là, il devrait être mis. Mais il devrait être mis à la hauteur, parce que les conditions sont les plus difficiles, les moyens pour en sortir sont plus importants, doivent être plus importants, et donc ils doivent être terriblement majorés. Et ça s'appelle entre autres la politique de la ville. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des finances de l'État, hein, une goutte d'eau. C'est combien la politique de la ville ? C'est, sauf erreur, 400 millions, tout financement confondu. Donc, pour tout le territoire ? Pour tout le territoire, donc c'est une goutte d'eau. Il faut savoir, moi, par exemple, qu'en politique de la ville et en politique de réussite éducative, qui est un budget à part, mais qui est celui-là, qui est de l'argent à part, qu'on négocie, qu'on discute, enfin voilà, celui dont... J'ai perdu un peu plus de 40% en 4 ans. Personne ne peut imaginer de perdre 40% de tes revenus en 4 ans. C'est pas possible, c'est pas vivable. J'ai les mêmes populations, j'ai les mêmes difficultés. Des gens précaires ou des gens pauvres sont remplacés par d'autres gens pauvres. Enfin, tout ça, on continue à le vivre. Hein. Et les moyens, eux, ils diminuent. Donc 40% des moyens en moins, moi, voilà, c'est tout le monde trouve ça normal. Et ça n'empêche de dormir personne. Et puis quand vous avez à réduire vos nombres de bureaux de poste ou vos nombres de guichets de sécurité sociale, vous commencez à les enlever dans les quartiers prioritaires et dans les grandes ruralités. Hein. C'est et puis, votre cas. Et puis bien sûr. Alors on a encore la sécurité sociale. Je pense que je sais pas combien de temps ça durera. On a perdu la poste à une vitesse grand V qu'on a réussi à récupérer à la limite du quartier, mais elle partait purement et simplement. La caisse d'allocation familiale est partie. On doit se substituer. C'est les associations qui se substituent à la caisse d'allocation familiale en créant des points CAF pour accompagner les gens pour l'acquisition de leur démarche. Enfin, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que la collectivité et les associations qui sont financées comme ça, se substituent à l'action publique. C'est quand même un peu délirant. Hein. Et c'est comme dans la ruralité. C'est moins évident, c'est moins connu, c'est moins reconnu. Voilà, il n'y a pas la densité, mais ils vivent la même chose. Et moi, les premiers, je n'ai pas d'amitié particulière, mais les premiers propos que j'ai entendus, hein, parce que quand c'est arrivé, quand même, ça a surpris un peu tout le monde, c'est les premiers propos que j'ai entendus, on a réentendu ce qu'on entendait. C'est-à-dire cette espèce de grande, voilà, de grande pauvreté personnelle, de grandes difficultés qui étaient hors ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que quand on écoutait, pas seulement les médias, mais quand les gens parlent entre eux, ils avaient l'impression que la France était entre ceux qui travaillent, qui gagnent de l'argent, même pas beaucoup, mais qui en gagnent, et donc ça leur suffit pour vivre, et ceux qui vivent de l'assistanat. Voilà, la France a été cassée en deux catégories. Mais c'est assez faux, et c'est même faux dans les publics en grande pauvreté. Mais on a énormément de travailleurs pauvres, énormément. On a beaucoup de familles monoparentales où les femmes vont faire 3 heures de ménage à Roissy, 3 heures par jour de ménage à Roissy. À Roissy. Elles mettent 2 heures à aller, oui, à absolument. Roissy. Quand vous faites le ménage entre 5 heures et 8 heures ou 9 heures le matin, pour y aller, faut les laisser les gosses. Ils gagnent un peu leur vie, donc ils ont des compléments de RSA, tout ce que vous voulez. Donc ils ne vivent pas que de la solidarité. Ils vivent aussi de leur travail. Sauf que la façon dont ils vivent de leur travail ne leur permet pas de vivre correctement. Et c'est ça les descriptions, les premières descriptions des Gilets jaunes, c'était ça. Je travaille et je ne vis pas correctement de mon travail. Donc effectivement. Et donc c'était une population sur laquelle qui avait vraiment le sentiment de ne pas faire partie d'un grand projet national. Tous ces habitants et tous ces jeunes qui sont là, c'est la France de demain et on n'aura que ce qu'on méritera. On a un État qui est en grande partie responsable de ce que l'on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez des alternances politiques, des majorités différentes, et vous vous rendez compte que depuis 30 ans, finalement, dans la seringue, il y a le même produit. Alors, qui gouverne ? Ce sont les hauts fonctionnaires ? Absolument. Ce sont les polytechniciens, les énarques ? Absolument. C'est ce que j'appelle l'aristocratie de l'administration française, l'administration centrale, qui regarde la France avec une longue vue. Ben, c'est pas suffisant, quoi. Et ils sont tous peu ou prou formés de la même manière, donc il y a une espèce de consanguinité, je vais utiliser le mot, dans ce petit monde qui dirige le pays, sauf que ça ne marche plus. Il faut que ça change. L'État a une présence et un poids qui, de mon point de vue, aujourd'hui, dépasse le poids politique. Et ça, c'est pas normal. On a un déséquilibre qui s'est créé de cette manière-là, et nous sommes tous responsables, y compris les citoyens, nous sommes responsables de cette situation. Et c'est d'ordre, encore une fois, culturel. J'étais l'autre jour à un colloque sur l'histoire de la Ve République. Passionnant, avec une dimension historique. Et en fin de journée, je me suis rendu compte qu'on avait parlé de tout. On avait parlé des élus, des gouvernements, des citoyens, de l'Assemblée, du Sénat. On avait parlé de tout, sauf de l'administration de l'État. Et je vais vous dire, même pour vous dire combien c'est intégré dans la psychologie, y compris dans le protocole. Quand vous inaugurez une maison, une salle des fêtes, un truc dans votre commune, il y a un petit pot, on est là, tous les habitants sont là, c'est content. Bon, on fait des discours. Le maire accueille, il dit son petit baratin. Après, vous avez donc le président du conseil départemental, si le département a mis 3 sous, le président ou son représentant de la région, si elle a mis 3 sous, le sénateur, le député, s'ils sont là, et qui termine la séquence donc des interventions ? Le préfet. C'est toujours le préfet qui termine. La hiérarchie des prises de parole, c'est celle-là. Et une fois que le préfet a parlé, on ne peut plus intervenir derrière. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'a dit le préfet, on la boucle. Eh bien, je trouve là que ça aussi, ça en dit long sur l'état d'esprit des choses. Moi, pour moi, si la hiérarchie, c'est celui qui parle en dernier, c'est celui qui a le plus de poids d'autorité ou de représentation, c'est forcément le député qui représente la nation, pas le préfet qui représente l'État et l'administration. Est-ce que dans leur tiroir, il y a l'idée que les petits maires, il faut qu'ils disparaissent ? Ça a été évidemment dans l'idée, avec encore une fois cette formule « il y a trop de communes en France ». C'est le genre de phrase, si vous voulez, évidemment, qui m'exaspère. Et je dis, mais la question, c'est pas est-ce qu'il y a trop de communes. La question, c'est est-ce que la commune est utile ? Bah, qu'il y en ait beaucoup, c'est une autre affaire. C'est l'histoire du pays, c'est ça, l'histoire de sa géographie. Voilà, c'est autre chose. La question, c'est est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle est utile ? Si elle est utile, on la garde. Si elle n'est pas utile, on la supprime. Mais la vraie question, c'est pas le nombre. C'est son utilité. Et c'est vrai que pendant ces dernières années, et la loi NOTRe et d'autres lois derrière, n'avaient pour finalité que d'affaiblir, que de diminuer le rôle des élus. Et donc oui, effectivement, c'est une espèce menacée, l'élu, le maire de village. Dans le spectre des élus, nous sommes les seuls à avoir encore un peu de crédit vis-à-vis des citoyens. Le député n'est pas entendu, le gouvernement n'est pas entendu, l'État n'est pas entendu. Le sénateur, à part les élus, personne ne le connaît. Le conseiller départemental ou conseiller régional va représenter sa collectivité territoriale. Mais le seul qui représente à la fois l'État et le citoyen, c'est le maire. Et il y a cette proximité. Voilà, les maires, on nous connaît, on sait où on habite, on sait comment on vit. On n'a pas besoin de prendre un rendez-vous 6 mois à l'avance. On le croise dans la rue et on discute. Et donc cette proximité nous donne cette légitimité à faire en sorte que nous soyons un peu intermédiaires, que nous fassions l'interface entre les citoyens et ceux qui sont chargés de définir la politique. Merci à Vanick Berberian, Dominique Dumont, Catherine Arnoux, Daniel Martin. Documentation Estelle Ferrari. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marivonne à Bolivier. Prise de son Nicolas Mathias, Laurent Lucas. Mixage Alain Joubert.